Ok, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wa alahu amma ba'd. Donc on commence le cours numéro 58 dans Sharh Manzumat al-Adab al-Shara'iyya du Sheikh al-Mardawi avec les commentaires du Sheikh Salih al-Fawzan, hafizahullahu ta'ala. Et c'est le cours 58 et on commence un nouveau chapitre qui est le chapitre Babun Ihtikar al-Qut. وإكرام الضيف احتكار القوت وإكرام الضيف والجار c'est-à-dire le fait de monopoliser la nourriture que les gens mangent tous les jours la nourriture de base que les gens mangent tous les jours et le fait d'honorer l'invité et d'honorer le voisin donc ça c'est le sujet du cours de ce chapitre. D'accord. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit « هذا الباب فيه أربعة أو أربع مسائل فيه أربع مسائل المسألة الأولى مسألة الاحتكار المسألة الثانية مسألة التسعير مسألة التسعير المسألة الثالثة إكرام الضيف والمسألة الرابعة إكرام الجار وكلها مسائل مهمة كلها مسائل مهمة. Ok, donc le cheikh explique que dans ce chapitre on parle de quatre sujets. Le premier sujet c'est al-ihtikar et on va définir qu'est-ce que c'est al-ihtikar. La deuxième sujet, c'est At-Tas'ir. Et aussi, on va parler de la définition de At-Tas'ir. Qu'est-ce que ça signifie? Et le troisième sujet, c'est le fait d'honorer le voisin. Pardon, Ad-Daif. Ikram al-Daif, c'est l'invité. Et Ikram al-Jar, c'est le fait d'honorer le voisin. Al-Jar, c'est le voisin. Ok, premièrement. Ça, c'est des sujets importants. Le premier sujet à propos de al-ihtikar. On va le mentionner, on va donner la définition. Il dit « وَأَمَّا الْإِحْتِكَارُ فَمَعْنَاهُ أَنْ يَعْمَدْ إِلَى مَا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ مِنَ الْقُوتِ فَيَشْتَرِيهِ وَيُخْزِنُهُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبِيعَهُ غَالِيًا وَهَذَا حَرَامٌ لِأَنَّهُ يَضِيقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فلا يكون احتكارا إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون هذا في القوت أما الأشياء الكمالية فلا احتكار فيها والشرط الثاني أن يكون القوت قليلا في البلد أما إذا كان كثيرا منبوذا أو مبذولا عفوا نعم إذا كان كثيرا ومبذولا فلا مانع أن الإنسان يشتري ويخزن يشتري ويخزن لأنه لا يضايق الناس بذلك. Donc la première chose c'est l'ihtikar et le cheikh il donne la définition de l'ihtikar. Des fois les gens ils définissent ça par le fait de monopoliser mais peut-être qu'il y a d'autres termes qui existent pour définir cette chose-là, qui sont peut-être plus appropriées dans le vocabulaire économique, mais yani pour le moment, disons que la monopolie, c'est le fait de monopoliser, c'est le terme le plus approprié d'après ce que je connais présentement. Et le cheikh, il explique que qu'est-ce que ça signifie à l'ihtikar ? C'est lorsque quelqu'un achète volontairement les biens premiers de la nourriture que les gens ont besoin pour se nourrir au quotidien. D'accord? Et il les achète dans le but de les entreposer pour que le prix augmente. Parce que on sait que le commerce, il est d'une certaine façon contrôlé par l'offre et la demande. Donc, si il y a une grande demande et il y a une petite offre, ça fait que le prix va monter. Donc, il y a des gens qui font ça. Ils voient que les gens ont besoin de quelque chose, ils l'achètent en grande quantité et ils mettent ça dans des entrepôts ou dans des endroits, hein, ils ferment ça à clé et ils gardent ça pendant un an, deux ans, pour que le prix augmente. Et comme ça, quand le prix est monté, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas assez de produits, eh bien là, eux, ils commencent à vendre à un prix plus cher pour faire plus de profit. C'est ce qu'on appelle l'ihtikar. Et ça, c'est haram. Cheikh, il explique que ça, c'est haram parce que ça rend les choses difficiles pour les musulmans. Ça rend la vie difficile aux musulmans. Et pour que quelque chose soit considéré comme étant ihtikar, ça doit rentrer dans deux conditions, ou respecter deux conditions. Sinon, on ne va pas dire que ça, c'est de l'ihtikar. La première condition, c'est qu'il faut que ça concerne al-qut. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, al-qut, ce n'est pas n'importe quelle sorte de nourriture. Al-qut, c'est la nourriture de base que les musulmans mangent ou que les peuples mangent de façon quotidienne. Comme par exemple, dans certains pays, al-qut, pour certaines personnes, al-qut, c'est par exemple la farine. Ils font du pain avec ça. Et ils font yani, du couscous avec ça. Hein? Ils font leur c'est quelque chose qu'ils mangent à tous les repas, tous les jours presque. Chaque jour, ils mangent ça. Donc le pain, la farine, le blé. Hein, des choses comme ça. Par exemple, pour certains, al-qut, c'est quoi? C'est le riz. Hein, ça fait partie de leur nourriture. Au quotidien, ils mangent du riz tout le temps. Hein. Donc, si tu leur fais tu monopolises le riz, hein, pour faire monter le prix, ça rend la vie difficile aux gens. Donc, ça, c'est interdit. Donc, c'est première condition, il faut que ce soit à propos de al-qut. Si ça concerne d'autres choses que al-qut, comme al-kamaliyat, c'est quoi? C'est des choses, disons, superflues de la vie. C'est pas des choses nécessaires. C'est des choses comme, par exemple, des choses qui font pas partie des choses que les gens mangent nécessairement tous les jours ou qu'ils ont besoin comme une nourriture de base, mais c'est quelque chose de superflu. Donc, si ça concerne, par exemple, le chocolat ou bien, je sais pas moi, des choses comme ça, hein, des Coca-Cola ou des trucs comme ça, eh bien, ça fait pas partie de al-qut. Donc, si quelqu'un, disons, les achète pour les entreposer puis pour faire monter le prix, ça va pas être considéré comme étant ihtikar, qui est interdit, puisque c'est pas des choses de base ou nécessaires pour les gens. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut qu'il y ait peu de qut dans le pays. C'est-à-dire qu'il faut que les choses de base, les aliments de base dans la société soient rares ou qu'il y en ait peu. À ce moment-là, c'est interdit de l'entreposer pour faire monter le prix. Si tu fais ça, à ce moment-là, ça va être considéré comme ihtikar. Mais si c'est à un point où, par exemple, il y en a partout, hein, par exemple, la farine, ça se retrouve partout, et qu'on le retrouve dans tous les magasins, et que yani, c'est pas difficile, et que c'est pas cher, tout le monde peut l'acheter, et que toi tu décides d'acheter une grosse quantité pour l'entreposer, ça c'est pas considéré comme ihtikar à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est disponible, et il y en a beaucoup. Et le fait de l'entreposer, de l'acheter, de l'entreposer, ça ne rend pas les choses difficiles pour les gens. Tout le monde peut l'obtenir quand même. Donc, il n'y a pas de mal à ce moment-là. Ce n'est pas considéré comme étant interdit. Et at-tas'ir, c'est le troisième point qui est étudié dans ce chapitre. At-tas'ir, qu'est-ce que ça signifie? Le cheikh, il dit, at-tas'ir huwa tahdid al-si'r. Hein? بحيث لا تباع السلع إلا بسعر كذا. وهذا أيضا لا يجوز. لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسعر فامتنع عن ذلك لأن هذا ظلم للناس. فالسعر إذا ارتفع بسبب قلة المعروضات أو رخص بسبب كثرة المعروضات فليس للحاكم أن يتدخل في حالة الرخص أو نعم ولا في حالة الغلاء أو الغلاء نعم في حالة الغلاء لأن هذا بيد الله. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تسعر لنا قال إن الله هو المسعر إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني أحب أن لا ألقى ربي وليس علي مظلمة لأحد وإني أحب أن لا ألقى ربي وليس علي مظلمة لأحد. Donc on va traduire jusqu'ici. Le cheikh il explique que at-tas'ir c'est quoi? C'est le fait de limiter ou de donner un prix spécifique à certaines marchandises ou d'ajuster le prix de certaines marchandises. Donc par exemple, ça c'est des choses qu'on retrouve souvent chez les communistes ou bien chez les socialistes, ou bien même parfois même dans certains pays où le gouvernement intervient pour contrôler ou générer, par exemple, contrôler les prix pour le marché, pour certains produits. Hein. Et je pense que même ici, par exemple, il y a certaines industries pour lesquelles... les prix des produits sont contrôlés par le gouvernement ou par des associations de producteurs de produits. Par exemple, les produits laitiers comme le lait, le prix, il est fixé. Il est fixé soit par le gouvernement ou soit par des associations de producteurs de produits laitiers. Et ils ne peuvent pas vendre plus cher ou moins cher. Ils sont obligés de vendre à un prix spécifique. La même chose aussi pour, par exemple, le sirop d'érable. Okay? Ils ne peuvent pas le vendre au prix qu'ils veulent. Ils sont obligés de le vendre au prix qui a été déterminé par soit le gouvernement ou soit par l'association des producteurs. Et si par exemple, tu décides, toi, de vendre plus cher ou de vendre moins cher, tu vas te faire attraper et tu vas avoir une amende à payer ou des choses comme ça. Ouais. Donc... ça, le cheikh dit, ça, c'est pas permis en islam de limiter le prix d'une marchandise. Il dit dans le sens que on va, par exemple, déterminer que le prix pour telle marchandise, par exemple, c'est tel prix. Et il dit, ça, c'est pas possible parce qu'on a demandé au prophète, c'est pas permis parce qu'on a demandé au prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, de déterminer les prix pour certaines marchandises, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé de donner des prix spécifiques à certaines choses. Et c'est rapporté par At-Tirmidhi dans le chapitre de Al-Buyur, le commerce, et Abu Daoud aussi, dans son livre, dans le chapitre Al-Buyur aussi. Et il dit, parce que ça c'est une injustice pour les gens. C'est une injustice pour les gens... De un, c'est une injustice pour les producteurs aussi, et c'est une injustice aussi pour les gens qui veulent acheter des fois. Si ils veulent acheter moins cher, on va les empêcher. Et les producteurs, s'ils veulent vendre plus cher, on leur interdit de vendre plus cher. Donc c'est un problème. Et il dit, فالسعر إذا ارتفع. Donc si le prix il monte à cause de la rareté des biens, hein, parce qu'il y en a peu. Donc, c'est normal que les prix augmentent. Et parfois, les prix vont baisser. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'offres. Il y a beaucoup d'offres. Donc, quand il y a peu d'offres, les prix augmentent. Quand il y a beaucoup d'offres, les prix descendent. Donc, le cheikh, il dit, le dirigeant ou le gouvernement n'a pas à intervenir lorsque les prix sont élevés ou lorsque les prix sont bas. Il dit pourquoi? Parce que ça, c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle. Et c'est Allah Azza wa Jal, c'est entre sa main. Ça veut dire c'est lui qui décide et qui contrôle les prix qui montent et qui descendent. Et il dit, et lorsqu'on a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi ne détermines-tu pas les prix pour nous? Hein? Pourquoi tu ne fais pas at-tas'ir? At-tas'ir, ça vient du mot si'r. As-si'r, c'est le prix en arabe. Et at-tas'ir, ça veut dire le fait de donner un prix à quelque chose. D'accord? Et donc, ils ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tus'ir lana, ne vas-tu pas donner établir les prix pour nous? Et qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, hein, Inna Allah huwa al-musa'ir. C'est Allah qui donne les prix. C'est Allah qui fait monter et qui fait descendre les prix. C'est lui qui contrôle. Huwa al-qabid, c'est lui qui retient. Huwa al-basit, et celui qui offre et qui donne. Il dit, et je ne veux, et il dit, je n'aime pas, hein, je n'aimerais pas, yani, ou bien plutôt il dit, j'aimerais ne pas rencontrer mon Seigneur alors que j'ai fait une injustice à quelqu'un. Hein? J'aimerais ne pas rencontrer mon Seigneur alors que j'ai fait une injustice à une personne. Donc, en voulant dire, quand je rencontre Allah, j'aimerais pas avoir une injustice, hein, ou avoir fait de l'injustice à quelqu'un. Donc, il a refusé de faire des prix. Il dit ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Walakin, Cheikh Al-Islam ibn Taymiyyah wa ibn Al-Qayyim, yaqulan, idha kana ghala al-si'r min tala'ub al-tujjar, fa inna wali al-amr yatadakhal wa yamna'u al-tala'ub. Wa amma idha kana al-ghala laysa bisabab al-tujjar wa innama huwa bisabab qillat al-ashya, fa hadha biyadillahi subhanahu wa ta'ala. » Donc il dit le cheikh que ici il y a une, par contre il y a une chose qu'il faut comprendre ici, c'est que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, de même que l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, eux ils ont dit que si l'élévation des prix ou l'inflation des prix est le résultat des commerçants qui jouent avec les prix du marché, hein? Eh bien, à ce moment-là, oui, le dirigeant a le droit d'intervenir pour empêcher les commerçants de jouer avec le prix. Il dit, toutefois, si l'élévation des prix était causée par autre chose que les commerçants, c'est-à-dire que c'est pas à cause des commerçants que le prix a monté, mais c'est uniquement à cause de la rareté des produits ou bien du fait qu'il y a peu de produits offerts, alors à ce moment-là, c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on n'a pas le droit d'intervenir à ce moment-là. Et il dit « Wa qawlu al-nazim wa rubbama at-tas'iru da'i at-tazayyudi » Ay rubbama idha sa'ara al-hakim yakunu hadha sababan lil-ghala. يعني يسبب العكس لأن الناس إذا حدد لهم سعر صاروا لا يبيعون فيكون هذا سببا لغلاء السعر أما إذا سمح للناس بالبيع والشراء بدون تسعير ووكل أمرهم إلى الله فهذا سبب لرخص الأسعار. Donc ici, le cheikh, il explique les rasakh al-as'ar. Donc ici, le cheikh, il dit que l'auteur, l'imam al-Mardawi, il dit que يعني ربما التسعير داعي التزيدي, ça veut dire que peut-être que si le dirigeant, il intervient pour donner un prix ou fixer les prix, c'est ce qui va causer l'élévation des prix. Hein? Donc, c'est préférable que le dirigeant n'intervienne pas pour déterminer les prix. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique pourquoi. Il dit parce que lorsque le dirigeant intervient pour fixer les prix, eh bien, ça peut être la cause de l'inflation ou ça peut faire monter les prix. Pourquoi? Parce que ça cause le contraire de ce que les gens souhaitent. La raison de ça, c'est parce que si le dirigeant vient et il dit au commerçant ou au vendeur, vous pouvez pas vendre plus cher que ça, eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, puisque le prix que le dirigeant nous impose, c'est un prix trop bas, eh bien, nous, on va pas vendre. On va garder notre marchandise. Donc ça va créer une rareté qui va faire en sorte que le prix augmente. Et donc, le résultat, c'est que, au lieu de, que le fait de déterminer le prix ou de fixer le prix, au lieu que ça fasse baisser le prix, eh bien, ça l'a fait augmenter. Pourquoi? Parce que les commerçants ne veulent plus vendre leurs marchandises à ce prix-là. Et donc, ça cause l'élévation des prix encore plus. Tandis que si on laisse les gens vendre et acheter sans fixer les prix, eh bien, on s'en remet à Allah Azza wa Jal, et on met notre confiance en Allah Azza wa Jal dans ces choses-là, eh bien, à ce moment-là, souvent, ça fait que les prix vont baisser. Hein? Les prix vont baisser parce que la demande va, l'offre va augmenter. Il dit, donc, ensuite, on commence donc l'explication des quatre premiers vers. Il dit وَلَا تَحْتَكِرْ قُوتًا فَذَاكَ مُحَرَّمٌ وَفِي غَيْرِ قُوتٍ لَمْ يُحَرَّمْ بِأَوْكَدِ وَيُشْرَطُ لِلتَّحْرِيمِ تَضْيِيقُ مُشْتَرٍ عَلَى النَّاسِ فِي وَقْتٍ شَدِيدٍ مُعَرْجَدِ مُعَجْرَدِ. Il dit وَمَنْ وَمِنْ غَيْرِ إِضْرَارٍ فَلَيْسَ مُحَرَّمًا كَمُدَّخَرٍ كَمُدَّخَرٍ فِي الرُّخْصِ ذَا نَفْعٍ أَشْهَدِ وَيَحْرُمُ تَسْعِيرٌ فَرَبِّي مُسَعِّرٌ وَرُبَّمَا التَّسْعِيرُ دَاعِ التَّزَيُّدِ. Donc ça c'est les quatre, ça c'est les quatre premiers vers, ça explique tout ce que le Cheikh Al-Fawzan a clarifié. Ces quatre vers-là résume tout ce que le Cheikh Al-Fawzan a expliqué jusqu'à date. Et le vers suivant, ça dit wa in ta'kulan 'inda mri'in fad'una lahu wa in ta'kulan 'inda mri'in fad'una lahu faqad amara al-hadi bihi wada'a ashhadi. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire, là, il parle maintenant, lorsque quelqu'un est invité chez une personne, eh bien, si tu es allé chez quelqu'un qui t'a invité, tu as mangé chez lui, eh bien, tu dois faire des doigts pour lui. Tu dois faire un doigt pour lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit, « إِذَا أَكَلْتَ عِنْدَ أَحَدٍ فَيُسْتَحَبُّ أَنَّكَ تَدْعُو لَهُ كَمَا دَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَدْ أَكَلَ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا فَرِغَ قَالَ أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار ووصلت عليكم الملائكة. Donc, si tu manges chez quelqu'un, hein, eh bien, il est recommandé de faire des doigts pour cette personne, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a mangé chez certains d'entre ses compagnons, il a terminé de manger et il a invoqué Allah Azza wa Jal. Il a dit أفطر عندكم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارِ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةِ. Ça veut dire, hein, les jeûneurs ont brisé leur jeûne chez vous, et les vertueux ont mangé votre nourriture, et les anges ont prié sur vous. Hein, ou bien plutôt que les anges prient sur vous. Et ça, c'est rapporté par Abu Daoud, ainsi que par Ibn Majah. Et c'est un doigt qui est connu. Ensuite, le vers suivant, il dit وَكُنْ مُكْرِمًا لِلْخُبْزِ غَيْرَ مُهِينِهِ وَأَغْرِفَةً صَغِّرْ وَلِلْعَجْنِ جَوَّدِ. Donc ça c'est le premier vers ici. Il dit وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَكَلَ عِنْدَ أَحَدٍ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ بِهَذَا الدُّعَى. Donc il est recommandé de faire le dua pour la personne chez qui on a mangé. On fait ce dua. Et il dit ensuite وَيَجِبْ إِحْتِرَامُ النُّعْمَةِ وَعَدَمُ إِمْتِهَانِهَا كَالْخُبْزِ مَثَلًا فَلَا تَمْتَهِنُهُ لِأَنَّهُ نُعْمَةٌ أو نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ سبحانه وتعالى احترام النعمة أي نعم فلا تلقه في الأرض ولا تمسح به السكين ولا الملعقة لأن هذا إهانة له ولا ينبغي تكبير الخبز كان الإمام أحمد يعني يكره الخبز الكبار فيصغر الخبز بحيث إنه لا يتعرض للامتهان لأنه إذا كبرت قد يسبب هذا أنها تمتهن. Donc ici le cheikh explique qu'il faut il est obligatoire de respecter les grâces d'Allah, les grâces que Allah nous fait, et de ne pas les dénigrer, comme le pain par exemple. On n'a pas le droit de dénigrer le pain parce que c'est une des grâces d'Allah Azza wa Jal. Donc tu ne dois pas le jeter par terre. Tu ne dois pas essuyer le couteau ou l'assiette ou la cuillère avec le pain, hein, comme si c'était pour essuyer quelque chose qui est sale ou pour le jeter. Tu ne dois pas non plus faire des pains trop gros, parce que si tu le fais trop gros, ça risque d'être gaspillé ou d'être jeté. Et l'imam Ahmad, il détestait qu'on fasse des grands pains ou des pains trop grands ou trop gros. Donc il demandait que les pains soient faits plus petits pour qu'ils ne soient pas humiliés ou dénigrés. Hein? Il dit ensuite wa dayfaka akrimhu wa ajjil qira'ahu wa qul marhaban fi dha bi Ahmad faqtadi. Donc, qu'est-ce que ça signifie celui-ci? Ça signifie qu'il faut honorer son invité. وَضَيْفُكَ أَكْرِمْهُ. Et donc, le cheikh explique, il dit الضَيْفُ هُوَ الَّذِي يَنْزِلُ بِكَ طَلَبًا لِلْقِرَى وَلَهُ حَقٌ عَلَى الْمُضِيفِ وَأَوَّلُ مَنْ شَرَعَ الضِّيَافَةِ إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وظنهم آدميين فبادر فجاء بعجل سمين فقربه إليه فقربه إليهم قال ألا تأكلون ففي ذلك اقتداء بالخليل عليه السلام وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يكرم أضيافه ويحتفي بهم وحث على إكرامهم قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ يعني فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ يعني قالوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال يومه وليلته وَالضِّيَافَةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَطَاعِمْ وَلَيْسَ فِيهِ فَنَادِقْ كالقرية مثلا وكذلك في البادية لأن القرية والبادية ليس فيهما طعام يشتريه المسافر وأما في المدن فلا حاجة إلى الضيافة لأن المسافر يجد مأوى ويجد الأكل والشرب بالبيع إلا إذا كان لم يكن معه نقود فهذا يسمى بابن السبيل. Donc ici le cheikh explique que l'invité c'est celui qui te demande l'hospitalité, hein, et c'est un devoir de lui offrir l'hospitalité lorsque il le demande. Et le premier qui a légiféré l'hospitalité et le fait d'honorer l'invité c'est Ibrahim alayhi salam, lorsque les anges sont venus le visiter et ils croyaient que c'était des êtres humains. croyait que c'était des hommes. Alors il lui a ramené un veau bien gras, hein, pour, il a ramené aux anges un veau bien gras, hein, qu'il avait égorgé, hein, qui avait été bien cuisiné, et il leur a présenté la nourriture et il leur a dit, n'allez-vous pas manger, hein, ala ta'kulun, comme c'est indiqué dans le verset 27 dans Surat al-Dhariyat. Et donc il y a dans ça, dans le fait d'honorer les invités, un exemple à suivre dans l'exemple qui nous a été laissé par Ibrahim al-Khalil alayhi salam, ainsi que dans l'exemple de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui honorait ses invités et il était bon envers ses invités, il les honorait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit dans le hadith, quiconque croit en Allah et au jour dernier, alors qu'il honore son invité et qu'il lui donne son cadeau ou bien son prix. Et ils ont dit, quel est son prix? Il a dit, c'est un jour et une nuit. Un jour et une nuit. C'est rapporté par Al-Bukhari. Et donc, le fait d'offrir l'hospitalité, hein, à l'invité, au voyageur, ça fait partie des bonnes manières en islam. Naam. Oui, effectivement, 3 jours et 3 nuits. Et ici, il a mentionné Yawmuhu wa Laylatuhu, un jour et sa nuit. Mais, yani, moi aussi, comme tu dis, j'ai déjà entendu 3 jours et 3 nuits. Yani, peut-être qu'il y a d'autres hadiths à ce sujet-là qui mentionnent cela. En tous les cas, le cheikh, il explique que l'hospitalité qui doit être offerte, c'est un droit, hein, pour le voyageur ou pour l'invité. Sauf que ça, c'est seulement dans les endroits où il n'y a pas de restaurant, où il n'y a pas d'hôtel, comme des petits villages par exemple. À ces endroits-là, oui, c'est obligatoire d'offrir l'hospitalité aux gens. Mais si par exemple il s'agit d'une grande ville où il y a des hôtels, où il y a des restaurants, à ce moment-là, c'est pas obligatoire d'offrir l'hospitalité à cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce qu'il faut déjà dans la ville à la disponibilité des voyageurs. Donc, ils peuvent facilement trouver quelque part pour aller dormir ou pour aller manger. Excepté si c'est une personne qui n'a plus d'argent. À ce moment-là, on l'appelle Ibn Sabil, hein, le fils du chemin, en voulant dire que celui-là, il n'a rien. Il n'a rien. Il voyage comme ça. Alors, à ce moment-là, il faut lui donner. C'est un droit qu'il a et qu'on doit lui donner à ce moment-là. Naam. Tu voulais poser une question? Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Il dit, il a même droit à la zakat. Ibn Sabil, il a même droit à la zakat. C'est-à-dire celui qui n'a pas d'argent sur la route, qui est pauvre. ensuite, c'est ça. Il dit, وَضَيْفُكَ أَكْرِمْهُ وَعَجِّلْ قِرَاءَهُ وَعَجِّلْ قِرَاءَهُ. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, وَقَوْلُهُ وَعَجِّلْ قِرَاءَهُ يَعْنِي هَذَا لِقَوْلِهِ تَعَلَى فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينَ وَاقْتَدَى بِالنَّبِي صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ الضَّيْفِ في حاجة إلى المبادرة ولأن هذا يدل على الكرم خلاف الذي يتباطأ ويشق على الضيف وقل مرحبا في ذا بأحمد فاقتدي يعني أكرمه بالفعل وبالقول وبالفعل يعني تعجل قراءه يعني بالقول وترحب به ولا تقابله بوجه عابس أو مكهفر أو مكفهر ومتكدر كإكرام وإكرام الضيف من علامات الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Donc le cheikh il explique que quand ton invité est là, il faut que tu te dépêches à lui servir la nourriture. Tu dois te dépêcher. Et la preuve, c'est que Ibrahim alayhi salam, il a tout de suite appelé sa famille. Hein, il a dit à sa femme de préparer la nourriture, et elle est venue directement avec la viande. Hein. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a suivi cet exemple-là, et nous, on doit suivre cet exemple aussi. Il dit, parce que l'invité, il faut qu'on se dépêche pour lui. Il faut qu'on fasse les choses rapidement. Ça fait partie de l'honneur qu'on donne à notre invité. Contrairement à celui qui est, qui prend son temps, qui est là, il rend les choses difficiles pour l'invité. Hein? Donc ça, c'est pas bien. Ça fait pas partie des bonnes manières de l'hospitalité. Et il dit, et aussi tu l'accueilles de façon chaleureuse, hein, en lui disant bienvenue et en lui souhaitant la bienvenue, comme l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on doit suivre cet exemple, c'est-à-dire qu'on doit l'honorer non seulement par les gestes, mais aussi par la parole, en lui disant des paroles, en lui disant des paroles réconfortantes et accueillantes. En lui préparant la nourriture rapidement et en l'accueillant avec un visage souriant et non pas un visage contrarié ou fâché ou renfrogné. Hein. Donc tu dois honorer ton invité, et ça fait partie des signes de la foi, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Et dans les vers suivants, le cheikh il dit, cheikh al-Mardawi, il dit wa ya'rifu haqq ad-dayf, hein, kullu mu'alijin, hein, kullu mu'alij as-safari mutil al-jubi fi kulli fadfadi fi kulli fadfadi ata صردا والليل باد عبوسه يأم سنا نار لذي خير موقدي. يعني سبحان الله. Donc ici il explique, Cheikh Al-Fawzan il dit, يعرف حق الضيف المجرد الذي جرب الأسفار وأصابته الحاجة فإذا نزل به ضيف فإنه يكرمه لأنه سبق أنه سافر وأصابته حاجة واحتاج إلى الضيافة فيعرف أن هذا الضيف أصابه مثل ما أصابه. Donc il dit, celui qui a eu l'expérience du voyage, il connaît le droit de l'inviter encore plus, parce que il a déjà goûté à ça, il a déjà eu le besoin lui aussi. Donc quand un invité vient chez toi, un voyageur ou quelque chose comme ça, eh bien, étant donné que toi-même, tu as déjà subi ce que lui-même subit, tu connais son besoin, alors tu sais à quel point tu dois lui donner ce dont il a besoin, comme tu l'as vécu toi-même. Il dit ensuite, « يعني أن الضيف أصابه البرد الشديد في ظلمة الليل ورأى نارا فذهب إليها لأجل أن يستدفئه ولأجل أن يحصل على القرى. يصف شدة حاجة الضيف كما قال شاعر متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد فالعرب يتمدحون بالضيافة وإكرام الضيوف ويوقدون النيران على الجبال من أجل أن يراها الضيف من بعيد فيأتي وهذا من علامات العرب الكريمة في الجاهلية وأكدها الإسلام وأقرها وحث عليها. Donc il dit le cheikh ici que lorsque par exemple il fait très froid et que c'est la nuit est sombre, hein, et profonde et ténèbres de la nuit, tu vois quelqu'un qui marche et qui voyage et qui a froid et qui est dans la nuit comme ça, il marche, eh bien allume pour lui ta lumière, hein, ton feu, pour qu'il puisse savoir qu'il y a, hein, une maison et qu'il y a de la chaleur à l'intérieur et qu'il pourrait être accueilli et va trouver l'hospitalité. Donc, yani, ça c'est la manière de décrire à quel point l'invité est dans le besoin. Hein? Et les Arabes, même dans la Jahiliya, c'est-à-dire même avant l'islam, ils se glorifiaient, hein, de ce genre de comportement, c'est-à-dire d'avoir l'hospitalité et d'honorer l'invité. Et ils allumaient des fois des feux sur les montagnes pour que les gens qui sont au loin parmi les voyageurs puissent voir cette lumière, pour qu'ils sachent qu'il y a un refuge à cet endroit-là, pour qu'ils puissent venir, hein, se réchauffer et trouver quelque chose à manger. Donc ça fait partie des belles traditions nobles des Arabes de la Jahiliya avant l'islam, et que l'islam est venu confirmer et approuver et inciter, on a incité à garder ces qualités-là, ces caractéristiques. Hein? Et il dit ensuite فَوَاسَاهُ فَوَاسَاهُ مِنْ زَادٍ وَأَبْدَى بَشَاشَةً وَأَذْهَبَ عَنْهُ القرّة توضيد مرقدي توضيد مرقدي كم بين هذا وامرئ بات ضيفه مضاجع جوع مسهر وتصردي فلا خير في من لا يضيف هكذا رويا مسندا عن خير هاد محمدي. Donc ici, les trois vers en question qui décrivent justement la façon dont on doit accueillir le voyageur ou la personne qui est dans le besoin. Le premier vers, le cheikh il l'explique, il dit c'est « لما أتى الضيف المضيف بش به واستقبله بالترحاب وأفداه وعشاه وجعل له غطاء ومناما ينام عليه وهذا من أبلغ المكارم وهذا فيه أجر عظيم. Il dit lorsque le voyageur vient et qu'on lui offre l'hospitalité et qu'on l'accueille avec un visage chaleureux, hein, un visage souriant, on l'accueille avec un accueil chaleureux et on lui offre la bienvenue. Et on le réchauffe, on lui donne quelque chose pour se réchauffer, et on lui donne à manger, et on lui donne un couvert, et des couvertures, et on lui donne un lit où il peut dormir et se reposer pour reprendre ses forces. Il dit ça fait partie des plus grandes formes de noblesse, de caractère et de comportement, et il y a dans le fait de faire ça une immense récompense de la part d'Allah. Et il dit dans le vers suivant والفرق بين هذا الذي يرحب ويدافئ الضيف من البرد ويشبعه من الجوع وبين الآخر الذي يبيت ضيفه جائعا متألما من البرد فهذا مذموم آثم وتارك لواجب عليه فذاك ممدوح مثاب. Donc ici le cheikh il dit il y a donc une différence entre celui qui accueille son invité, qui le réchauffe, hein, du froid, et qui lui comble sa faim, hein, et l'autre qui laisse son invité avec la faim et avec la douleur du froid, hein, celui-là il est blâmé et il est considéré comme étant un pécheur et quelqu'un qui a délaissé son obligation. Tandis que l'autre qui honore son invité, il est glorifié et récompensé. Et le troisième vers, le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a rien de bon dans celui qui n'a pas offert l'hospitalité à son invité. Hein, c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu. Falladhi la yukrim dayfahu la khayra fih. » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit « Et quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité », eh bien, ça veut dire que si quelqu'un n'honore pas son invité, il n'est pas bon. Il n'y a rien de bien en lui. Hein? Il n'y a rien de bon en lui. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine la suite de ce livre, Inch'Allah. Donc, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته